Bonjour tous à toutes. Ah oui, merci. C'est évident que c'est avec beaucoup d'émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui. Quand j'ai préparé ce message, j'avais mis comme rubrique « Premier dimanche après Fred ». Ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il n'y a pas d'après Fred, il est, puisqu'il est auprès du Seigneur pour l'éternité. Et étant assis ici, je pensais à ce qu'on fait pédagogiquement avec des petits, comme ma petite Louise. On a une petite boîte dans laquelle on met des objets et on appelle cela une boîte de permanence des objets. Petit à petit, l'enfant va apprendre que ce que l'on ne voit pas existe encore. Et il va mettre la chose, ça va disparaître, mais il va tirer les tiroirs et trouver que la chose est toujours là. Et on va apprendre la permanence des choses. Et on va apprendre qu'il y a certaines choses dans la vie qui sont, mais qui ont l'air de ne plus être, mais qui sont quand même, et cela pour l'éternité, parce qu'il y a la permanence, non pas de la chose, mais il y a la permanence de ce que Dieu fait dans nos vies, la permanence de son œuvre dans nos cœurs qui fait que nous, en tant que chrétiens, et je veux revenir là-dessus, nous ne pouvons pas réfléchir notre existence en termes de vie et de mort. Mais nous réfléchissons dans d'autres catégories, à savoir le temps, ce que nous vivons maintenant, et l'éternité. C'est tout à fait une autre façon de voir la chose. Pour les animaux, il y a la vie et la mort. Pour ceux qui n'ont pas de l'espérance en Dieu, c'est la vie et c'est la mort. Bertrand Russell, grand athée devant l'Éternel, en qui il ne croyait pas, il dit qu'une fois que je serai mort, ben, je vais pourrir, il ne restera absolument rien. Lui, il ne croyait pas à la permanence. Mais nous, nous ne pouvons pas réfléchir en vie à la mort. Nous pensons au temps et à l'éternité. Et cela nous donne toute une autre perspective à l'existence. Et c'est la première chose qui nous soutient et qui nous aide. Lorsque des événements difficiles nous frappent, quelconque d'ailleurs, lorsque nous sommes en quête de sens. Et je vais m'aventurer dans ce domaine qui n'est absolument pas facile. C'est parce que depuis quelques jours, il y a une question qui me hante, une question qui m'a été posée. Peut-il y avoir quelque chose de positif dans ce qui est arrivé? Et je vais essayer de donner des éléments réponse à cela. Quête de sens. Nous avons entendu déjà deux excellents messages ces jours-ci, justement de la permanence de choses qui durent à jamais, l'espérance et l'amour, comme dit notre frère Laurent dans son allocution funèbre, comme on l'appelle, lorsqu'il a prêché aux obsèques. La foi, l'espérance et l'amour, ces trois choses demeurent, et le plus grand, c'est l'amour. Nous avons entendu un excellent message de la part de Stéphanie. J'ai eu le privilège, bien sûr, de les écouter, et surtout pour ne pas peut-être dire la même chose qu'ils ont dit, parce que c'était tellement bien dit, donc je ne veux pas venir dire des choses en plus ou essayer de dire quelque chose de ce qu'ils ont déjà dit. Donc, ça a été des très bons messages et que le Seigneur vraiment nous aide, nous travaille à travers ces messages aussi. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, j'aimerais partir en quête de sens. Parce que la vie sous le soleil, dans un monde déchu, souffre de trois tares profondes à cause du péché. La première, c'est la mort. La deuxième, c'est la souffrance et la maladie, souffrance physique. Mais le troisième, c'est la souffrance morale, Ce sont des événements, ce sont des choses qui existent dans le monde et on ne trouve pas de sens. On reste avec ces pourquoi et on se dit mais pourquoi ? Il n'y a rien qui puisse venir nous donner un sens dans tout cela. Mais d'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce que j'entends par sens. Le sens pour moi, c'est une pensée, c'est une idée qui donne, qui est structurant. C'est-à-dire qui me donne au moins des limites dans ce que je vois, ce que je vis. Qui me permet d'avoir un haut et en bas, en avant, en arrière et en droite et à gauche. C'est quelque chose qui me donne un cadre dans ma vie. Et ces choses-là sont différentes d'un temps à l'autre, mais il y a certaines choses qui me donnent du sens en permanence et qui ne peuvent changer par rapport aux événements. Mais pour trouver ces sens-là, il faut passer par les questions difficiles. On a beau de vouloir ne pas le poser, mais on est obligé. On est obligé. Si on veut vraiment trouver un sens dans le non-sens, si on veut trouver une espérance dans le désespoir, si on veut trouver une lumière là où il n'y a pas, il faut aussi se poser des questions difficiles et dures, parce que il y a malgré tout des pistes de réponses qui grandissent dans nos cœurs au fur et à mesure que nous avançons. Et la première question, c'est: Dieu, où es-tu? Que fais-tu? Où es-tu? Ça fait mal. Où es-tu? Je ne te sens pas, je ne te vois pas, où es-tu? Plein de gens dans la Bible ont crié: Dieu, jusqu'à ce quand dois-je déverser mon cœur devant toi et que tu ne m'entends pas? Où es-tu? Que fais-tu? Dieu, réveille-toi! Ce n'est pas que Dieu est absent ou que Dieu dort, notre Dieu, ni ne sommeille ni ne dort, dit le psaume 121. C'est lui qui garde Israël, ni ne sommeille ni ne dort. Ça, c'est un drôle de truc qui vient d'arriver là sur mon côté, merci. Alors, il est là en permanence. Mais dans nos vies et dans nos circonstances, il peut avoir comme une voile sur nos yeux et c'est légitime de poser la question. Ce n'est pas une question qui dénote un manque de foi. Parce que si on n'avait pas la confiance, si on manquait la foi, on ne poserait pas la question à Dieu: Dieu, où es-tu? On serait comme des athées, je dis, de toute façon il n'existait pas, ce n'est même pas la peine que je lui parle. Mais dans la douleur, on a le droit de le dire. Et je veux dire, dans la déception, il nous console. Il y a de nombreuses années de cela, malheureusement en tant que pasteur, je célébrais plus d'obsèques que de mariages. Hein. C'est comme ça. Et une être chère nous a été dérobée il y a plus de 30 ans, devant nos yeux. Et quand on était réunis dans cette chambre de l'hôpital, lorsque bien trop jeune Françoise, ma belle-mère, est partie auprès du Seigneur, il y a ce passage qui est venu. D'abord, j'ai eu ce sentiment, Françoise n'est pas là, il n'est plus là, c'est son corps, elle est auprès du Seigneur, et il y a cette pensée qui est venue, qui s'est imposée à moi. Le Seigneur dit: je suis la résurrection et la vie, celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Dans la déception, dans le vide, le Seigneur, il est encore et toujours le consolateur. Il a été il y a 30 ans, il est encore aujourd'hui, il a été à travers toutes les personnes que je peux suivre dans les moments douloureux. Je peux vous témoigner à travers de nombreuses rencontres que toujours il console. Dans la prédication de Stéphanie, Elle a parlé de Beethoven, vous vous souvenez? Beethoven, lorsqu'il a entendu le décès d'un cher ami, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est précipité dans la maison du défunt et il n'a rien dit, mais il s'est exprimé de la façon le meilleur qu'il pouvait. Il se mettait au piano et il a joué, il a joué, et il a joué. Et le témoignage a été que la musique là était bien plus grande consolation que les paroles que les gens ont pu apporter. Et Stéphanie, très habilement et très sagement, a dit que si on ne sait pas quoi dire, vaut mieux se taire. Parce qu'en effet, même un imbécile passe pour un sage du moment où il n'ouvre pas la bouche. Il s'est précipité. Mais vous connaissez cette histoire, c'est Lazare. Jésus, il est assez loin et vient le message. Lazare, ton ami est mort. Et Jésus, il ne se précipite pas. Il ne court pas. Il reste même 2 jours dans l'endroit. On dit, mais c'est quand même étonnant. Pourquoi fait-il ainsi? C'est qu'effectivement, le Seigneur, il a des perspectives de temps que nous n'en avons pas. Lui, il ne réfléchit pas au temps de vie et de mort. Lui, c'est le temps et l'éternité. Il veut nous enseigner qu'en toutes choses et en toutes circonstances, lui, il maîtrise. Il ne s'inquiète pas, il ne se précipite pas parce qu'il est sûr des résultats. Et c'est cela qu'il veut aussi nous dire. Nous ne devons pas nous inquiéter. Il ne faut pas que nous nous agitons, que nous précipitons à droite et à gauche, faire des choses hâtives quand nous sommes en douleur. Mais que nous soyons sûrs de résultats parce que celui qui maîtrise de tout, c'est celui qui nous console, Jésus. N'empêche que lorsqu'il est arrivé à Béthanie, Marthe est venue au devant de lui pour dire « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, moi je sais, Jésus dit, mais moi je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui place toute sa confiance en moi, vivra, même s'il meurt. » Elle dit, oui, je sais que mon frère ressuscitera au jour dernier. Mais Jésus voulait dire qu'en lui, il y avait déjà la vie maintenant. Parce qu'il est le maître et le seigneur de la vie. Elle dit exactement la même chose à Marie, la sœur. Et ensuite vient la chose assez étonnante devant le tombeau. Jésus, il pleure. Ça, c'est le verset le plus court de la Bible. Hein. 2 mots. Mais 2 mots profonds de signification. Jésus pleura. Dans ce même évangile, dans le chapitre 2, bon, ce n'est pas marqué, mais on aurait pu dire, Jésus se réjouira. Ça, il était à Canaan, à la fête, au mariage. Là, il est dit, Jésus pleura. C'est lui qui ne s'inquiétait, qui ne se précipitait parce qu'il était toujours sûr de ce qu'il allait faire. Et là, devant le tombeau, c'est vrai, il dit, Père, je prie, non pas parce que pour moi, mais pour ceux qui sont là, parce que je sais que tu m'entends toujours. Alors, il pleure. Et on voit qu'il est pris de compassion. Notre Dieu, lorsqu'il est se rendu au milieu de nous, il est celui qui est plein de compassion et qui n'est pas loin de ce que nous pouvons sentir. Et où est le Seigneur dans la douleur? Quel est le sens? Mais il donne une parole de perspective plus loin. Il nous fait penser à l'éternité, à l'espérance. Mais en même temps, ce n'est pas une espérance, ce n'est pas un Dieu froid. Il n'est pas là, il dit, écoute, ce n'est pas grave si tu pleures maintenant, ou pleure pas, il y a une éternité. Non, il pleure avec ceux qui pleurent. Et dans nos larmes, le Seigneur, il est présent. Dans le moment de confusion, le Seigneur, il est présent. Dans le moment de douleur, lui, l'homme de douleur, habitué à la souffrance, qui ressemble à quelqu'un dont on détourne le regard, comme dit Ésaïe 53, il est là, il pleure dans nos pleurs, dans nos larmes. C'est pour cela que nous avons le droit de pleurer. Nous avons le droit d'avoir un cœur lourd. Mais il nous amène à porter ce cœur lourd et donner un nouvel sens à notre existence, un nouveau normal. Cela arrive toujours parce que la vie continue, et cette vie continue dans la main de celui qui a nos vies entièrement dans sa main. Jésus pleura. Donc il n'est pas absent. Il est celui qui souffre avec nous, qui pleure avec nous, qui prie avec nous et qui nous console. Donc où il est ? Dieu, où es-tu ? Il n'est pas loin. C.S. Lewis, un des grands philosophes des années 60, il a écrit le livre de Narnia et autres, bien d'autres bouquins. Il a dit ceci: Dieu, il chuchote dans le plaisir, mais il hurle dans la douleur, car la douleur, c'est la mégaphone ou les autres parleurs de Dieu. Parce qu'il sait que l'homme, lorsqu'il est dans la souffrance, il est plus sensible, plus ouvert de l'entendre. Parce que quand tout va bien, surtout pour les païens, ils ne pensent pas à Dieu. Mais lorsque frappe le malheur, il est tout aussi présent, mais sa voix fait plus grande, plus haute, pour que justement, enfin, on l'entend. Et là, il veut nous dire qu'il est là. Il nous console, il pleure avec nous et il nous amène vers une autre perspective. Au milieu de mort, de l'ombre de la mort, ténèbres de la mort, il rassure. Il n'a jamais arrêté de nous accompagner. Stéphanie, elle a parlé de ces fameux poèmes de pas dans le sable. Quand même assez parlant. Jésus, il est celui qui marche avec nous dans la vallée de l'ombre de la mort. Si mon chemin passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es là, car tu es là. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Il n'y a pas de moment où le Seigneur ne nous accompagne pas. Et dans la fournaise, la fournaise de douleur et de l'épreuve, il est là. C'est une contraction de verset, c'est pour cela que ça peut sembler un peu bizarre, je ne pouvais pas tout mettre. Vous savez, Sadrach, Meshach et Abednego, ils ne voulaient pas se plier devant la statue d'or de Nabucodonosor. Et Nabucodonosor, elle a dit, dans ce cas-là, les gars, au four. Il va chauffer le four, à tel point qu'on ne peut même pas s'approcher sans se faire brûler. Et il va jeter les trois hommes-là qui refusaient de plier devant l'idole. Parce que les dix, ils ont eu cette confiance en Dieu que, sache au roi Nabucodonosor, nous ne plions pas devant ton statue d'or parce que nous savons que notre Dieu, il pourra nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, nous ne fléchissons point le genou. Ils sont jetés dans leur fournaise. Et là, quand le roi Nabucodonosor regarde, qu'est-ce qu'il voit ? Pas trois hommes, il voit quatre. Et lui, païen, il va se convertir plus tard. Il va reconnaître que Dieu des cieux est vraiment Dieu. Mais il dit, je vois quatre hommes. Le quatrième ressemble à un fils des dieux. C'est parce qu'il ne pouvait pas reconnaître le fils de Dieu. Dieu, il a envoyé dans la fournaise son messager. Et il n'y a pas de fournaise, il n'y a pas de situation chaude où le Seigneur n'y se rendra pas. Quand ça fait chaud, il est toujours présent. Cette présence, nous ne le sentons pas toujours, nous ne le comprenons pas toujours. C'est un peu comme avec la boîte de l'objet, présence des objets des petits. Cela, ça prend. Ça prend un peu de temps avant que le bébé comprenne que vraiment, l'objet que je mets dans la boîte ne disparaît pas. Et ça prend parfois du temps pour nous de comprendre que Dieu, il est là, sa présence est permanente. C'est un apprentissage, et surtout cet apprentissage est dans le moment difficile. C'est là que Dieu nous parle et que Dieu nous soutient. Je pourrais en donner de nombreux témoignages, mais je m'abstiens pour aujourd'hui. Une deuxième question difficile, et c'est cette question-là qui m'a hanté. Peut-il y avoir quelque chose de positif dans ce qui vient d'arriver? Est-ce que c'est une question bizarre? Non, je ne pense pas que la question est bizarre. Moi, je ne sais pas s'il y a des questions bizarres ou des questions stupides. Vous connaissez l'adage qu'on a usé, réusé, usé jusqu'à la corde. Il n'y a pas de questions stupides, simplement des réponses idiotes. C'est bien de se poser des questions. C'est une très, très bonne chose. Peut-il y avoir quelque chose de positif dans ce qui est arrivé? Dans la mort, non. La mort est une anormalité. C'est une anormalité. La mort, en tant que telle, c'est une ennemie. Ça demeure une ennemie, mais c'est une ennemie vaincue, parce que Christ a vaincu cet ennemi à la croix. Mais lorsqu'on lit dans 1 Corinthiens 15, nous savons que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. C'est-à-dire que la réalisation de la victoire de la croix devient quelque chose de visible pour tout le monde lorsque Christ viendra. Mais pour l'instant, la mort est vaincue. C'est pour cela que nous ne mourrons point. Christ l'a dit, celui qui meurt en moi, ben, celui qui croit en moi, il ne mourra pas. C'est son corps qui meurt. Mais son être, l'essence de la personne est là à jamais. Non, dans la mort, étant donné que c'est une anormalité, il n'y a rien de positif. Il n'y a rien à tirer de cela. Il n'y a que de la souffrance, que de la perte. Il n'y a que la séparation douloureuse. Il n'y a rien de bien. Simplement, nous savons que la vie a une issue fatale et que tous les hommes qui ont vécu jusqu'à aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, sont morts et nous allons aussi passer par là un jour. Mais étant donné que c'est un ennemi vaincu, nous affrontons cet ennemi avec assurance. Bien plus que ce que pouvait avoir David en face de Goliath. Non, je ne vais pas essayer de donner un sens à la mort, ce serait complètement hasardeux. Mais là où je veux le sens, c'est dans ce que fait l'Église. Là où j'ai vu quelque chose de positif, c'est ce qu'a fait les frères et sœurs. Et vous savez, j'ai vu la solidarité. J'ai vu l'engagement. J'ai vu l'amour fraternel. Et j'ai vu que ces mots-là ne sont pas de vains mots à One Heart. J'ai l'habitude de dire qu'à Paris, il y a quelque chose qui me manque tout le temps quand je n'y suis pas. Bon, c'est Mélanie, Jonathan et Louise, évidemment, mais aussi 100 Chinois. J'ai l'habitude de dire aux gens chez moi que oui, c'est une église jeune, parce que je sais que très peu dans cette église franco a dépassé 40 ans. S'il n'y a peut-être même pas un seul encore qui a passé 30, 40 ans. Mais l'église, vous savez ce que j'ai vu? C'est que j'ai entendu, c'est que j'ai compris, c'est que j'ai vu une église qui est mature, qui agit comme une église adulte. Ce n'est pas une église de jeunes gens qui ne savent quoi faire, quoi dire. L'église a montré absolument son meilleur côté. Et là, ça fait du sens. Parce que l'Église, c'est quand même le corps de Christ. L'Église, c'est ça qui nous soutient dans toutes les choses. J'ai vu une Église mature, une Église adulte. Donc, dans le non-sens, vous avez fait du sens. Dans l'épreuve, vous avez fait preuve de courage. dans la douleur, vous vous êtes mis en route pour faire les choses au mieux possible et vous avez fait une bonne œuvre. Mon amour et ma fierté d'être un de vous à ce moment-là n'a pas connu de limites. C'est pour cela que je suis tellement fier, tellement content de faire partie de One Heart. Et là encore, le nom, qui pour moi est tout un programme. Toute la vision pour moi de l'Église, finalement, est dans ces deux mots, One Heart, un cœur. Et vous avez agi comme cela. Plaise à Dieu que cela continue. Donc, au milieu de tout cela, il y a l'Église. L'Église qui est le corps de Christ, sans laquelle nous ne pouvons vivre, sans laquelle nous ne pouvons pas avoir de sens dans notre vie, sans laquelle nous ne pouvons pas être croyants. L'Église, on a absolument besoin. Et vous avez montré que nous pouvions faire confiance à l'Église. Être croyant séparé de l'Église, c'est un non-sens total. Ça ne fonctionne pas. N'essaye même pas, ça ne fonctionne pas. Ma prière, c'est Seigneur, fais en sorte que je ne devienne jamais si grand ou que mon cœur ne soit jamais si froid que je me passerai de l'Église. Nous avons besoin les uns des autres. Et ce qui fait sens, c'est l'amour fraternel. C'est l'engagement, c'est la solidarité. Encore une autre question difficile. Et vous voyez, hein, je ne donne pas de réponses. Je donne des pistes de réflexion. Je n'ai pas de prétention de répondre à quoi que ce soit. Mais que pouvons-nous apprendre dans tout cela? Est-ce qu'il y a une leçon à tirer? Oh oui qu'il y a une leçon à tirer. Absolument. C'est comme je dis, c'est la perspective. La vie chrétienne n'est pas une question de vie et de mort. Ça, c'est pour les animaux. Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est la vie et la mort, c'est la survie. Et on fait tout pour avoir le meilleur et la première place. Cela ne nous intéresse pas. Pour nous, c'est une question de temps et d'éternité. Et c'est une question de qu'est-ce que je fais de mon temps ici, maintenant. C'est ça qui est la question. C'est la question qui doit être dans mon cœur, dans ma tête, constamment. Pas simplement lorsque je suis affronté à des situations délicates ou difficiles. Parce que ce que j'ai fait dans le temps a des répercussions aussi dans l'éternité. Et ces choses sont de pair, Jésus l'a montré. Même si lui, il est d'éternité, il a pleuré dans le temps devant le tombeau de Lazare. Ensuite, il a montré par la résurrection de Lazare ce qui allait venir. Il est le maître de la mort et de la vie. Et il est celui qui donne la vie. Car ce n'est pas simplement en lui que nous avons la résurrection. Il est la résurrection et la vie. C'est notre résurrection, c'est notre vie. Et cette vie de résurrection commence ici et maintenant. Dans le temps, nous sommes déjà dans l'éternité. Sur la terre, nous sommes déjà assis dans les cieux, dans les lieux célestes. Nous, dans ce que nous faisons pour le moment, est en relation avec ce qui s'est fait dans le ciel. Et Christ ressuscité, qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour nous, maintenant, ici. Il y a une permanence de relation entre le ciel et la terre, entre le temps et l'éternité, où tout le temps le Seigneur, par sa grâce, fait irruption au milieu de nous. C'est pour cela que nous ne pouvons pas réfléchir à une perte ou un gain. Mais avec reconnaissance, dire merci pour le temps qui nous a été donné, qui ensuite se perdurera autre façon dans l'éternité. Merci pour le temps qui nous est donné. Dans une des églises en Suède, il y a un homme qui a vécu une belle vie, un industriel, gagné pas mal d'argent, il a fait des inventions qui s'utilisent dans beaucoup de villes de partout dans le monde. Et il a toujours investi tout son argent pour embaucher des gens non embauchables, et soutenir des œuvres chrétiennes. Et là, il est un peu âgé, il n'a plus son entreprise, il a eu une hémorragie cérébrale. Toute sa vie d'engagement et d'énergie, c'est comme si ça a disparu. Il est l'ombre de ce qu'il a été. Et Anne l'a rencontré il y a quelques temps de cela. Je fais une petite parenthèse. Anne vous salue chaleureusement. Elle vous porte dans son cœur. Donc elle a rencontré cet homme qui maintenant n'est plus finalement dans... Il n'a rien dans ses mains. Et elle lui a posé la question. Elle s'appelait Jan, comment vas-tu? Vous savez quelle était sa réponse? Un homme qui mettait sa confiance dans le Seigneur. Il a dit, il y a tellement de choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Voilà ce qu'il a dit. Il n'a pas regardé toutes ses pertes, perte de ses facultés, perte de son argent, perte de son entreprise, perte de son renommée, perte, et vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Elle dit, il y a tellement de choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Il y a simplement quelqu'un qui a changé de perspective de vie et de mort vers le temps et de l'éternité qui peut dire une telle chose. Il y a tellement de choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. Comptez les bienfaits de Dieu. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. C'est un vieux cantique que personne d'entre ici, je pense, a connu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et quand on commence à énumérer les bienfaits, en commençant par le fait que le soleil se levait ce matin, que j'ai pu aller à la boulangerie pour acheter des croissants aux amandes. Ça veut dire que j'ai un travail, que j'ai de l'argent, que j'ai pu dormir dans un lit, que j'ai une famille avec laquelle je partageais le croissant et le café. Ça veut dire que le soleil se levait, j'ai pu rentrer en chemise. En Suède, c'est déjà les pingouins sont dans les rues. Et quand on commence comme cela, mes amis, on ne s'arrête jamais de remercier le Seigneur. Jamais. Même lorsque un être cher nous est dérobé. Parce qu'on pense au temps et à l'éternité. Donc, même quand frappe la mort, il y a ce passage qui m'est venu évidemment dans l'esprit tout de suite quand je pensais à Fred. Aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun de nous ne meurt pour lui-même. Nous vivons, si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivons ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Ça, c'est le témoignage que moi je laisse ou qui est dans mon cœur par rapport à mon ami Fred. C'est quelqu'un qui a vécu pour le Seigneur et m'inspire à vivre aussi avec la même joie et le même engagement tous les jours pour le Seigneur. Donc oui, il y a une leçon à tirer. Sois reconnaissant pour chaque jour qui t'a été donné. Vis chaque jour pleinement pour le Seigneur et pour tes bien-aimés. N'oublie pas dire aux gens combien ils sont merveilleux, combien tu les aimes. Il y a certaines personnes avec qui j'échange sur différentes plateformes et je ne manque jamais de dire combien je pense à eux, combien ils sont précieux, combien ils sont magnifiques dans ce qu'ils font. C'est exprès. Ça vaut la peine de s'encourager les uns les autres. Fred le faisait, faisons-nous-le aussi. C'est une vie bien vécue. Une leçon à tirer, c'est une vie bien vécue. Elle fut courte, mais elle était bien vécue. À la gloire du Seigneur. telles que la vie courte de 49 ans de Françoise. Ça ne m'étonnerait pas si la même chose arrivera d'ici 30 ans. Françoise, c'était une femme de Dieu qui priait, qui jusqu'à son dernier souffle à son lit d'hôpital consolait ceux qui n'avaient pas l'espérance qu'elle avait, elle. Il y avait un retour à l'église. Ils allaient fêter 100 ans, l'église de Pentecôte de Tibrou. Anne y est allée et plein de gens sont venus lui dire. Et ça fait 30 ans qu'elle a quitté l'église. Ça fait 30 ans que Françoise est décédée. Ils sont venus pour dire tout le bien et tout le souvenir qu'elle portait dans son cœur par rapport à Françoise. Une vie bien vécue. C'est ça qui sonne dans mes oreilles et c'est ça aussi la leçon. C'est vrai que Fred, ce n'était pas un donneur de leçons. Ce n'est pas du tout cela. Mais sa vie était une leçon. Elle l'est pour nous. Qu'est-ce qu'une vie bien vécue? Mais c'est une vie qui est vécue à la gloire, évidemment, de notre Seigneur Jésus. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Réfléchissez à ceux qui ont été là, les grands frères, les grandes sœurs. Regarde comment ils ont abouti de leur vie. Et j'ai entendu que dans les derniers instants, Fred se tournait vers le Seigneur. Sa confiance était en lui. Quelle leçon! Quel enseignement! Quel merveilleux témoignage! Quel exemple! Ça, c'est la leçon que je tire. C'est ça qui me rassure et qui me réjouit que d'avoir vu cela et d'avoir vécu cela. Considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi. Ça, c'est l'exemple. C'est l'enseignement que la parole de Dieu nous demande de tirer de ceux qui nous ont enseigné, qui ont été nos leaders. Et Fred, évidemment, et bien sûr, en était un. Et nous alors? Bon, tout cela se nous renvoie bien sûr vers nous. Et il y a deux choses auxquelles je pense aussi. Que cet élan, cette solidarité, cet engagement continue d'exister dans l'Église. Et que quand ces événements se répéteront, parce que ça c'est inévitable, comme je dis, la vie a une issue fatale, que ce soit toujours de même élan, de même amour, de même engagement, que l'Église soit toujours là de la même façon. Je vous le dis, c'est un témoignage qui retentira jusque dans les cieux. Et bien sûr, par rapport à nous, est-ce que ma vie est bien vécue? Bon, je ne saurais, moi, être juge de ma propre vie. Je laisse ceux qui me connaissent me juger et le Seigneur. Et dans ce cas-là, je dis, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Nous avons besoin de sa grâce pour vivre une vie bien, une vie belle, une vie pour les autres. Voilà quelques pistes de réflexion. Dieu es-tu? Où es-tu? Mais il est présent. Dans la douleur et même dans la fournaise. Je le crois, je le sais, je l'ai vu, je vais en témoigner. Est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui peut sortir de ces événements? J'ai vu une église positive. J'ai vu une église belle. J'ai vu une église dont je suis certain les actions ont retenti dans l'éternité. Est-ce qu'il y a une leçon à tirer? Oui. Il y a toujours une leçon à tirer d'une vie bien vécue. Il y a toujours une leçon à tirer d'une vie qui est vécue pour le Seigneur. C'est une exhortation, c'est un engagement. Ah, un engagement, c'est un témoignage d'un amour pour le Seigneur. Et je termine avec ce petit témoignage que certains connaissent déjà. Il y a des années de cela, l'église n'était pas ici. On se réunissait à Belleville. Quelques-uns étaient à Belleville, n'est-ce pas? Voilà. Et c'était Daniel Lilion qui est dans l'église de Vatio qui m'avait invité d'abord au culte à Vatio et ensuite au culte à, qui ne s'appelait pas One Heart à l'époque, hein, Franco de Belleville. Et donc je ne connaissais pas du tout, je n'avais jamais été. J'entre dans le hall et qui est-ce que je vois qui vient vers moi? Mais Fred. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est Oral, nous n'avons pas de pasteur. Est-ce que tu as déjà des engagements? Ça, c'était la question. Là, Franco, quoi, tout de suite. Écoute, c'était, t'es pasteur ailleurs ou pas? Ben, parce que nous, on n'en a pas. Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Et ça a été le début de mon engagement avec cette église. Il a été un homme pivot pour mon engagement dans l'église, qui ensuite a passé par bien des péripéties, est devenu One Heart et nous sommes là aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup, Fred. Et effectivement, en 2015-2016, je suis devenu le pasteur de l'église. C'est formidable. Donc, que le Seigneur nous laisse nous enseigner par ce qui est arrivé. Et il y a paix et lumière, comme on dit souvent en Suède, sur la mémoire joyeuse et brillante que nous portons de cet homme-là, notre ami Frédéric Chen. Et paix et grâce sur notre style bien-aimé. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je termine avec le message, c'est fini. Voilà, on va prier dans quelques instants, mais je termine avec un poème. Je vais oser le faire, puisque je suis là et personne ne m'a enlevé le micro. Il y a un poète suédois-finlandais que j'aime particulièrement. Elle s'appelle Edith Södergran. Évidemment, pour vous, c'est une illustre inconnue. Elle est décédée à l'âge de 31 ans de tuberculose en 1923. Mais elle réfléchissait pas en vie et en mort, mais en temps et en éternité. Je ne sais pas si vous allez faire sens de ce poème, mais pour moi, ça, c'est un sens profond. Lorsque je parle de pays qui n'est pas, c'est-à-dire c'est un pays qui n'est pas de ce monde-là. Le ciel n'est pas la terre, mais elle existe quand même dans une autre sphère. Je languis après le pays qui n'est pas, car tout ce qui existe, je suis fatigué de le demander. La lune me raconte en runes d'argent le pays qui n'est pas, le pays où tous nos souhaits sont merveilleusement exaucés, le pays où toutes nos chaînes tombent, le pays où nous rafraîchissons notre front blessé dans la rosée de la lune. Ma vie a été une ardente illusion, mais une chose j'ai trouvée, une chose j'ai vraiment obtenue, le chemin vers le pays qui n'est pas. Dans le pays qui n'est pas, marche mon bien-aimé avec une couronne étincelante. Qui est mon bien-aimé? La nuit est sombre et les étoiles tremblent en réponse. Qui est mon bien-aimé? Quel est son nom? Les cieux se lèvent de plus en plus haut. Et un homme se noie dans des brumes sans fin et n'a pas de réponse. Mais un homme n'est rien que d'autres que certitude, il tend ses bras plus haut que tous les cieux. Alors, une réponse vient. Je suis celui que tu aimes et que tu aimeras toujours. Pour moi, c'est aussi bien le Seigneur que Fred. Voilà. Le temps est l'éternité. Ici, nos fronts sont blessés. Mais là, nous allons rafraîchir notre front blessé dans la rosée de la lune. C'est magnifique. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Prions. Seigneur éternel, tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées. Tu vois que dans ce moment, nous sommes en quête de sens et nous savons que ces sens ne peuvent venir que de toi. Ici, nous avons livré que quelques pistes. Tu es présent dans la douleur, même tu pleures dans la douleur. Nous pouvons voir que l'Église fait sens par son action. Et nous pouvons tirer des leçons d'une vie bien vécue. Et cela nous réjouit. Seigneur, tu nous apprends à compter nos bienfaits, à être reconnaissants pour chaque jour et partager l'amour que nous avons et ne pas retenir les bonnes choses. Parce que tu veux que nous vivons une vie belle, une vie bien, une vie remplie à ta gloire pour bénir les autres. Nous ne sommes suffisants pour ces choses. Ainsi, nous venons de dire, Seigneur, aie pitié de nous, afin que, Seigneur, les gens soient bénis à travers l'Église et à travers ce que nous sommes, à la gloire de ton nom. Seigneur, nous sommes là et je te prie, donne-nous des structures, donne-nous une ouverture, donne-nous tes pensées, afin que, Seigneur, nous savons que toi, tu es permanent. Et même si devant nos yeux sont dérobés nos êtres chers, c'est comme dans la boîte de permanence. Ils y sont encore et ils y sont toujours. Parce que tu as dit, je suis la résurrection et la vie, et celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Tu es la garantie de notre permanence. Parce que tu es, tu as été et tu seras le même pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen.